La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler avec notre ami Claude Roy, c'est la chronique de pêche. Salut Claude! Hey, bonjour tout le monde! Claude, j'aimerais que tu me parles de la conservation du poisson maintenant. Ouais, parce que là, on commence à avoir certains problèmes de chaleur. Donc, ben oui. C'est beau, on a eu froid cet hiver, puis on a eu froid au printemps, puis l'eau a pris du temps à réchauffer, mais là, l'eau est réchauffée. Et le pire qu'on peut pas faire, c'est d'accrocher les fameuses truites après une chaîne à poissons, ou une corde à poissons, ou des paniers à poissons qu'on met dans l'eau. Les gens réalisent pas que l'eau de surface, c'est à 72, 74. Et même si l'eau est un petit peu plus froide que ça, le soleil plombe là-dessus. Et le soleil, lui, ça fait comme un miroir. Mm. Fait que ça chauffe le poisson. Et vous avez beau dire, il est dans l'eau, on le protège. Votre poisson est pourri avant d'arriver à la maison. Donc, quand vous allez arranger votre poisson, vous allez vous apercevoir que les arêtes se détachent tout seules de la chair. C'est parce que votre poisson est pourri. Mm. C'est la même chose pour les gens qui nous demandent des viviers dans des bateaux. Donc, un compartiment où on met des poissons vivants, où on garde des poissons vivants avec une pompe d'aération, ça s'appelle un vivier. Et malheureusement, les gens pensent qu'un vivier, les poissons vont rester vivants là-dedans. Une grise, tout ce qui s'appelle salmonidée, ne vivra pas dans un vivier. Et dès qu'il est dans l'eau, l'eau qui est prise du vivier est prise directement à la sortie près de la chaloupe, donc à la surface, et l'eau dans le vivier devient encore plus chaude. Donc, si on prend, par exemple, un doré, on met un doré puis un brochet dans un vivier, ils vont sortir de là plein de limons. Mais ils vont avoir la température de l'eau, c'est-à-dire 72, 74, 116 degrés, même 80 degrés, parce que ça plombe le soleil sur le dessus d'un vivier, puis c'est pas isolé. Donc, l'eau vient terriblement chaude. Même si on la renouvelle, c'est toujours de l'eau de surface. Et on va se rendre compte qu'on va avoir chauffé notre poisson avant même de le manger. Donc, il y a juste un moyen de conservation. Il n'y en a pas 10, c'est de la glace. Okay. On passe devant un dépanneur, on arrête pour chercher de la bière. Pourquoi on ne prend pas un sac ou deux de glace? Et dans notre vivier, on va mettre de la glace. Ou dans notre glacière ordinaire où on va mettre notre bière, ben là, on va mettre de la glace. Puis on va garder nos truites. Même si on les met dans un sac de plastique, c'est pas grave. On les met dans un sac de plastique, mais on les met directement sur la glace. Comme ça, on est protégé. Mais ne mettez plus à cette période-ci d'année et pour tout le reste de l'année, mettez plus jamais une truite dans l'eau, dans un panier, sur une corde ou encore sur une chaîne à poisson. Vous brûlez votre poisson et vous allez manger du poisson qui est pourri. Si vous aimez ça, tant mieux, mais c'est comme exactement comme ça. Comment ça prend de temps avec la senteur ou encore la qualité du poisson? C'est-à-dire que tu ne sentiras pas. Parce qu'elle ne pourrira pas pendant deux, trois jours. Parce que quand tu vas arriver le soir, tu vas arranger ta truite, puis en arrangeant la truite, tu vas te rendre compte, parce qu'on passe notre pouce à l'intérieur de la truite pour enlever le sang, et là, tu vas te rendre compte que les arêtes se détachent de la peau, c'est parce que ta truite a pourri. Okay. Ta truite a chauffé. Donc, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais c'est peut-être que c'est plus la truite fraîche. Okay. Donc, gardez pas ça dans l'eau, il faut garder ça dans de glace. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Ça fait le tour cette semaine, mon ami. Donc, on se parle la semaine prochaine. Donc, c'était Claude Roy qui nous parlait de pêche.